بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 56 dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni عقيدة السلف وأصحاب الحديث avec le sharh de Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى. Et donc on commence aujourd'hui un nouveau chapitre dans le livre. Et c'est le chapitre qui s'intitule « Khalqu af'al al-ibad », c'est-à-dire la création des actions des serviteurs. Hein, les créations des, c'est-à-dire la création des actions des hommes. Et c'est un sujet dans la aqida qui est relié au qadar et qui est relié au sujet de la prédestination. Donc, Inch'Allah, on va clarifier ce sujet-là aujourd'hui. Donc, l'imam al-Sabuni, il commence en disant من قول ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة أنها مخلوقة لله تعالى ولا يتمرون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه. Donc l'imam al-Sabuni rahimahullah, il dit, et parmi les positions de Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet de ce que les serviteurs ont acquis dans leurs actions, c'est que ce qu'ils ont acquis par leurs actions, c'est-à-dire les êtres humains, eh bien ça c'est créé par Allah Azza wa Jal. Et les gens de la Sunna ne débattent pas à ce sujet-là. Et les gens de la Sunna ne considèrent pas non plus et ne calculent pas parmi les gens de la guidance et de la religion de vérité quiconque renie ce principe, et quiconque le nie, quiconque nie ce principe de la aqida. C'est-à-dire que les actions des créatures sont créées par Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe dans la création, c'est créé par Allah. Et avant de lire le sharh de Sheikh Rabi' hafizahullah, on va juste faire un rappel au sujet de la foi en la prédestination. Et on sait que la foi en la prédestination, elle est régie par 4 degrés ou 4 principes ou 4 conditions que les ulama de Ahl Sunnah ont clarifiées en se basant bien entendu sur les preuves rapportées dans le Coran ainsi que dans la Sunnah à ce sujet-là. Et parmi les gens qui ont dévié dans le qadar, dans la prédestination, il y a les Jabriya, il y a Al-Qadariya, et de ces deux groupes-là, on peut compter aussi ceux qui ont emprunté des croyances à ces deux sectes, c'est-à-dire les Asha'ira, les Jahmiya, les Asha'ira, et les Mu'tazila. Donc les Mu'tazila ont emprunté des Qadariya. Les Mu'tazila ont emprunté des Qadariya, la négation du Qadar. Et les Jahmiya et les Asha'ira ont emprunté aux Jabriya, ceux qui exagèrent dans l'affirmation du Qadar au point de nier la volonté et la capacité des créatures. Donc ça c'est les deux extrêmes à ce sujet-là. Et en ce qui concerne la position de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet du Qadar, les 4 degrés dont on a parlé, c'est le premier, c'est Al-Ilm, c'est-à-dire la science, la science complète d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a la connaissance de tout, le passé, le présent et l'avenir. Et il connaît même ce qui n'est pas arrivé. Et si cette chose-là se serait produite, et comment elle se serait produite. Et il connaît hein, l'invisible et le visible et tout ce qui existe. Il n'y a rien qui lui échappe dans la création et il n'y a rien qui lui échappe. Il sait tout éternellement. Et il y a le deuxième degré à propos de la foi en le qadar, après avoir affirmé la connaissance infinie d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait d'affirmer yani, que tout a été écrit. Donc, Al-Kitaba. Le fait que Allah Azza wa Jal a écrit tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Et il y a à ce sujet-là plusieurs preuves dans le Coran, et il y a également à ce sujet de nombreuses preuves dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques. Le degré suivant, le troisième, parmi les degrés du qadar, il y a le fait que, yani, on croit en la volonté d'Allah Azza wa Jal, al-irada, et que tout ce qui se produit dans la création, eh bien, ça ne se produit que par la volonté d'Allah. Il n'y a rien qui se produit dans la création, excepté que c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Hein? Et le quatrième degré, parmi les degrés du qadar, c'est le fait d'affirmer que tout ce qui existe dans la création, eh bien, c'est Allah seul qui l'a créé, y compris les actions des créatures. Et c'est ce degré-là dont on parle maintenant en particulier. Parce que chacun de ces degrés-là a été, disons, renié ou contesté d'une certaine façon par des groupes d'égarement et par des sectes qui ont dévié au sujet du qadar. Et la question de la création des serviteurs, eh bien ça aussi, ça fait partie des choses hein, qui ont été, disons, contestées par les mubtadi'a et les groupes de bid'a. Et même que parmi les salafs, il y a des ulama qui ont écrit un livre ou des livres spécifiquement sur ce sujet-là, comme par exemple l'imam al-Bukhari, rahimahullah, celui qui a écrit le Sahih, il a un livre qui s'intitule « Khalq af'al al-ibad ». Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La création des actions des serviteurs, et dans lequel il réfute justement les bid'a des Jahmiya, des Qadariya, et aussi yani, il a un livre qui s'intitule Ar-Radd 'ala al-Jahmiya, la réfutation des Jahmiya. Donc ça, c'est yani, pour faire une introduction, si on veut, à ce sujet-là, pour comprendre donc le lien entre ce sujet et la question de la foi en la prédestination, c'est-à-dire le qadar. Et le cheikh, il dit ensuite donc ici, الشرح هذا الباب في خلق أفعال العباد ذكر الإمام فيه أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وخالف في ذلك طائفتان وهما الجبرية وهم يعترفون بأن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل ولكنهم يغلون في عموم مشيئة الله وخلقه لكل شيء فيجعلون أفعال العباد أفعالا لله عز وجل وليست للعباد وإنما تنسب إليهم مجازا ويحتجون بقوله تعالى الله خالق كل شيء نعم هم محقون في أن الله خالق كل شيء لكن ليس معناه أن العباد ليس لهم فعل ولا قدرة ولا اختيار في أفعالهم فهذا الإثبات جيد لكن غلوا في إثبات القدر وإثبات عموم خلق الله عز وجل للمخلوقات وإثبات مشيئته حتى سلبوا العباد أفعالهم وقدرتهم وإرادتهم واختيارهم فالعباد لا تنسب إليهم أعمالهم عند هؤلاء إلا مجازا لأن الله خلقهم وهم لا يخلقون وما اعترفوا بأن أفعال العباد فعلهم حقيقة وناشئ عن اختيارهم وإرادتهم وقدرتهم وقابل هؤلاء الجبرية طائفة أخرى غالية في الشرع وهي القدرية. فالقدرية آمنوا بالشرع وغلوا فيه فأداهم غلوهم في الأوامر والنواهي إلى إنكار عموم مشيئة الله وإرادته وخالقيته لأفعال العباد. فقالوا أفعال العباد ليست مخلوقة لله ولا تدخل في نطاق قدرته، لأننا إذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله فكيف يحاسبهم عليها؟ فيكون هذا ظلما قبحهم الله. كيف يكون ظلما والله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم إرادة؟ وكيف يكون ظلما وأفعالهم ليست كما يقول الجبرية كحركات الأشجار تحركها الرياح وكنبض العروق وكحركة الشمس وغيرها من المسخرات التي لا إرادة لها؟ الإنسان. Donc on va s'arrêter ici. On va traduire ce passage et on continue inshallah par la suite. Donc, Cheikh Rabi, il explique ici, il dit dans ce chapitre au sujet de la création des actions des serviteurs ou des créations des êtres humains, des actions des êtres humains, le fait que Allah a créé les œuvres et les actions des hommes. Ici, l'imam As-Sabuni, il a mentionné que la position des gens de Ahl Sunnah, hein, c'est que les actions des êtres humains sont créées par Allah Azza wa Jal. Et que à ce sujet-là, il y a deux groupes extrémistes qui ont dévié. Et c'est des groupes qui sont en opposition par rapport au juste milieu. C'est-à-dire, c'est deux extrêmes. Un qui a exagéré d'un côté et l'autre qui a exagéré de l'autre. Donc, c'est deux extrêmes. Et la position d'Ahl Sunnah, c'est d'être au juste milieu entre ces deux extrêmes-là. Donc, le premier groupe qui a dévié par rapport à cette question-là, c'est les Jabriya. Et les Jabriya, c'est ceux qui, hein, comme on va l'expliquer, ils reconnaissent que les actions des êtres humains sont créées par Allah. Donc, ils reconnaissent que les actions des êtres humains sont créées par Allah, Azza wa Jal. Sauf que, ils exagèrent dans l'affirmation générale de la volonté d'Allah, Azza wa Jal, et de sa création de toutes choses, dans le sens que ils considèrent les actions des êtres humains comme étant des actions d'Allah. Hein? Ils considèrent que les actions des êtres humains, eh bien c'est Allah qui les fait agir, comme si ces actions-là, c'est les actions d'Allah. Et que ces actions-là ne doivent pas donc, par conséquent, être attribuées aux êtres humains, mais excepté symboliquement. D'accord? Donc, tout ce que l'être humain fait, ils disent, ça c'est Allah qui le fait. Et ça, c'est de l'égarement, hein, bien entendu. Puisqu'il y a une différence entre le fait de créer l'action et le fait de faire l'action. D'accord? Et il se base sur les versets dans le sens général, comme par exemple, Allahu khaliqu kulli shay, c'est-à-dire Allah est le créateur de toutes choses. Et le Cheikh Rabi, hafizahullah, il dit, oui, il n'y a pas de doute que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Et si il mentionne ce verset, eh bien, ils ont raison au sujet de ce que ce verset affirme, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Sauf que cela ne signifie pas que les êtres humains n'ont pas d'action. Hein, qu'ils font eux-mêmes et qu'ils n'ont pas de capacité ou de pouvoir de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et cela ne signifie pas non plus qu'ils ont également une volonté de choisir leurs actions. D'accord? Donc, cette affirmation dans le sens général, c'est une affirmation qui est bonne, qui est vraie, puisque Allah Azza wa Jal, il est le créateur de toutes choses. Toutefois, ces gens-là ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination et l'affirmation générale du fait que Allah Azza wa Jal a créé toutes choses au point d'attribuer ou bien au point de prétendre que l'être humain n'a pas de volonté et qu'il ne choisit pas ce qu'il fait et que tout ce qu'il fait, c'est finalement Allah Azza wa Jal qui lui fait faire. Donc ils ont exagéré, hein, dans ce sens général du fait que Allah a créé les créations et qu'il a et ils ont exagéré aussi dans l'affirmation de la volonté d'Allah Azza wa Jal, au point de retirer aux êtres humains leurs actions, leurs capacités, leur volonté et leur choix dans ce qu'ils font. Et donc ils attribuent aux êtres humains et aux créatures, ou plutôt ils attribuent ils attribuent au créateur, yani, et à Allah Azza wa Jalla, ils attribuent les actions des êtres humains, et ils n'acceptent d'affirmer ou d'attribuer les actions des êtres humains aux êtres humains que de façon symbolique. Parce qu'ils disent c'est Allah Azza wa Jalla qui les a créés, et eux ils ne créent pas. Donc le cheikh il dit, ils reconnaissent que les êtres humains ont des actions, mais pas réelles. Ce n'est pas à eux réellement ces actions-là. Donc il dit, ma'tarafu bi anna af'al al-ibad fi'luhum haqiqa. Donc ils ne reconnaissent pas que les actions que les êtres humains font, c'est réellement leurs actions à eux, qui est bâti sur, ou qui est basé sur leur volonté, leur choix et leur capacité. Donc ils considèrent, par exemple, pour donner un exemple pour comprendre plus clairement qu'est-ce que le cheikh il dit, hein, c'est qu'ils considèrent l'être humain un peu comme une feuille ou une plume qui se laisse pousser par le vent, en voulant dire que l'être humain n'a pas de volonté, n'a pas de capacité. Il est un outil, hein, dans la main d'Allah Azza wa Jal, comme si, par exemple, comme un marteau, par exemple, dans la main d'un ouvrier, il frappe avec le marteau. Le marteau n'a pas de volonté et n'a pas de capacité. Donc, eux, ils considèrent que l'être humain, par rapport à Allah Azza wa Jal, dans les actions qu'il fait, eh bien, c'est pas lui-même qui le fait, mais c'est Allah Azza wa Jal qui le contrôle, comme une marionnette. Hein? Comme si l'être humain, il était comme une marionnette qui ne contrôle rien de ce qu'il fait et qui n'a pas de volonté. C'est Allah Azza wa Jal qui le contrôle et qui lui fait faire les actions qu'il fait sans qu'il puisse choisir entre le bien et le mal, ou sans qu'il puisse décider ce qu'il veut faire, ou des choses de ce genre. Et donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement total, puisque on voit dans plusieurs versets dans le Coran et dans plusieurs hadiths le fait que les créatures ont un choix et que Allah Azza wa Jal leur a donné une volonté et leur a donné une capacité également de faire des actions. Et que les choses qu'ils font, s'ils font du bien, c'est eux qui l'ont fait par la grâce d'Allah, et s'ils font un péché, c'est leur péché. Hein? Donc si ce n'était pas le cas, eh bien on ne pourrait pas les blâmer d'avoir fait un péché. Si c'était Allah Azza wa Jalla qui les force ou qui les contrôle à faire ce qu'ils font de mal, à ce moment-là, ils ne pourraient pas être blâmés pour le mal qu'ils font, et ils ne pourraient pas non plus être récompensés pour le bien qu'ils font également, puisque ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils le font. Et ça, ce serait contraire à la logique et à la justice et au bon sens, et contraire à la révélation. Donc, on ne peut pas accepter ce genre d'idées et de croyances. Et ça, c'est la croyance qui existe chez certains d'entre les soufis et qui existe également chez les Jahmiyyah, et parmi eux également les Asha'ira. Et les Asha'ira, ils affirment une certaine forme de Jabriya, mais même si ce n'est pas à l'extrême comme celle des Jabriya 100%, mais il y a une certaine forme de Jabriya dans leur croyance. En ce qui concerne l'autre extrême par rapport à cette position, il y a la position de ce qu'on appelle Al-Qadariya. Et Al-Qadariya, c'est contre-intuitif par rapport à leur nom. Parce que si on dit Qadariya, on aurait l'impression que ce sont des gens qui croient au qadar, ou que ce sont des gens qui affirment le qadar. Pourtant, qadariya, c'est pour dire qu'ils nient le qadar. On les a appelés des qadariya parce qu'ils nient le qadar. Yani, ils refusent d'affirmer le qadar. Parfois aussi, certains ulama, j'ai remarqué que parfois, ils parlent des qadariya de façon générale pour indiquer ou pour désigner les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'ils appellent qadariya les Jabriya, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans l'affirmation du qadar, et ceux qui nient le qadar, ils les appellent tous les deux des qadariya. Parce que, en voulant dire, c'est des gens qui ont des erreurs dans le qadar, des erreurs dans la compréhension du qadar. Et d'autres font la distinction entre al-qadariya, c'est-à-dire ceux qui nient le qadar, et al-jabriya, ceux qui exagèrent dans l'affirmation du qadar, hein, au point de tomber dans... Hein, dans l'exagération et dans l'extrême. Donc les qadariya sont ceux qui ont exagéré dans ou plutôt ce sont ceux qui ont nié le qadar. Les qadariya, ce sont ceux qui ont nié dans le qadar. Et on peut dire que les qadariya, c'est un nom général pour ceux qui nient le qadar, mais ceux parmi les groupes ou les sectes qui ont dévié et qui ont nié le qadar parmi les musulmans sont de différentes sectes. Parmi les gens qui ont dévié dans le qadar et qui ont nié l'affirmation, qui ont refusé d'affirmer le qadar, on compte par exemple les Mu'tazila. Les Mu'tazila refusent d'affirmer le qadar. Et yani, parmi les groupes également qui ont dévié à ce sujet-là, il y a les Shi'a. Toutes les sectes des Shi'a, que ce soit les Rafida, que ce soit les Zaydiya, que ce soit les autres groupes comme les Ismaïliya ou autres, ils ont tous nié le qadar aussi. Hein, parce que les Shia ont été très fortement influencés par les Mu'tazila. Les Shia ont été très fortement influencés par les Mu'tazila. C'est pour ça qu'ils ont parmi leurs croyances, la négation du qadar et la négation des attributs divins. D'accord? Donc ça, c'est une chose importante à savoir aussi à propos des Shia. Et le Cheikh, il explique donc que les qadariyas, ils ont cru en la législation et ils ont exagéré dans l'affirmation des ordres et des interdictions, au point de nier la volonté divine, hein, et le fait que Allah Azza wa Jal a créé les actions des serviteurs et des êtres humains de façon générale. Donc ils disent que les actions des hommes ne sont pas créées par Allah et qu'elles n'entrent pas dans le pouvoir, hein, la puissance, les actions des créatures ne sont pas sous le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. En voulant dire que les êtres humains ne sont pas, disons, limités par le pouvoir d'Allah Azza wa Jal, ni par sa volonté. C'est eux-mêmes qui décident, hein, ce qu'ils veulent et qui sont capables de faire ce qu'ils veulent, indépendamment de la volonté et du pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est comme s'ils limitent la volonté d'Allah et ils limitent la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est grave. Hein? Certains d'entre eux même sont allés jusqu'à nier la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Hein? Et ça, même je l'ai entendu chez certains groupes parmi les chrétiens, comme les Témoins de Jéhovah. Hein? Je discutais avec eux au sujet de la prédestination et le qadar. Et ils disent, par exemple, que non, Allah Azza wa Jal, il ne sait pas qu'est-ce qui arrive avant que la chose se produise. Il peut le savoir, mais il décide de ne pas le savoir lui-même. Et l'exemple qu'ils m'ont donné pour illustrer ça, ils ont dit, c'est comme si, par exemple, quelqu'un, il a une radio, il peut écouter les nouvelles pour savoir ce qui se passe, mais il décide de l'éteindre. Et cette comparaison-là, c'est clair que c'est une comparaison de quelqu'un qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Parce que ça impliquerait que la connaissance d'Allah, elle n'est pas en lui, elle est à l'extérieur de lui-même, et que ce n'est pas lui par ses noms et par ses attributs et par son être qui connaît toute chose. Hein? Il a besoin d'un instrument ou d'une radio à l'extérieur pour connaître les événements ou savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est du kufr. Hein? Si quelqu'un ne croit pas que Allah Azza wa Jal est tout puissant et qu'il a toute connaissance et qu'il sait tout, alors il n'a pas cru en Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et ici, ensuite, le cheikh, il explique donc que l'erreur des qadariya, c'est du fait que, par exemple, ils disent, si on dit que les actions des créatures ou des êtres humains sont créées par Allah, alors comment pourrait-il, dans ce cas-là, les juger pour ces actions-là? Ce serait de sa part de l'injustice. C'est pourquoi ils disent ça, parce qu'ils ne font pas la différence entre la création des actions et le fait de faire l'action. Comme par exemple, et souvent j'ai donné cet exemple-là à certains, et ça les a aidés à comprendre. Hein? Quand on dit Allah Azza wa Jal, yakhluq af'al al-ibad, hein? Yakhluq af'al al-ibad, wala yaf'al, yani, huwa laysa fa'ilun li'af'alihim, innama huwa khaliqun li'af'alihim. Et l'explication de ça, c'est l'exemple, comme par exemple, Allah Azza wa Jal, il a créé l'acte de manger, l'acte de boire, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui mange, et ça ne veut pas dire que c'est lui qui boit. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, wa huwa yut'imu wa la yut'am, c'est-à-dire c'est lui qui nourrit, et il n'est pas nourri. Hein. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nourriture, et il ne mange pas. Parce que Allah Azza wa Jal, il se suffit à lui-même. Il est al-ghani. Il est yani al-hayy al-qayyum. D'accord? Il n'a pas besoin de rien d'extérieur à lui-même pour exister, hein, ou pour continuer à exister. Il se suffit à lui-même. D'accord? Donc, la compréhension de cette distinction-là entre le fait de créer l'action et de faire l'action, c'est une des erreurs dans lesquelles les qadariyas sont tombés, du fait qu'ils pensent que si on dit que Allah a créé les actions, ça veut dire que c'est lui qui le fait. Et donc, comme les Jabriyas eux-mêmes ont dit, que l'être humain il n'est pas responsable de ses actions, puisque c'est Allah qui lui fait faire les choses, eux, ils ont compris la même chose que les Jabriyas, mais ils sont allés à la conclusion opposée, c'est-à-dire au lieu d'affirmer à l'extrême la volonté d'Allah Azza wa Jal, ils l'ont nié complètement. Et au lieu d'affirmer à l'extrême la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, ils l'ont nié complètement en prétendant que si on l'affirme, ça équivaut à de l'injustice. D'accord? Et le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit, قَبَّحَهُمُ اللَّهُ. Hein? Comment il pourrait prétendre que Allah Azza wa Jal fait de l'injustice, alors que Allah Azza wa Jal a donné à l'homme la capacité et a donné à l'homme le choix dans ses actions et leur a donné la volonté. Donc il n'y a pas d'injustice. Hein? Chacun, lorsqu'il fait une action, c'est lui-même qui l'a décidé, c'est lui-même qui l'a choisi et c'est lui-même qui a agi. Donc comment Allah Azza wa Jal aurait fait une injustice à l'homme en le jugeant pour qu'est-ce qu'il fait? Hein? Donc ça, c'est important. Donc si on comprend ça comme il faut, on voit qu'il n'y a pas d'injustice de la part d'Allah Azza wa Jal ici. Et Allah Azza wa Jal, il le dit dans plusieurs versets. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an, walakin an-nasa anfusuhum yadhlimun. Allah Azza wa Jal ne fait pas d'injustice aux hommes, mais les hommes, ce sont eux-mêmes qui se font de l'injustice. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal ne fait même pas le poids d'un atome d'injustice. Donc, il n'y a pas d'injustice possible de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est juste. D'accord? Et donc, comment pourrait-il être injuste alors que ce sont leurs actions, hein, qu'ils font? Et il dit, comme contrairement à ce que disent les Jabriya, que les êtres humains ou les actions des hommes sont comparables aux feuilles des arbres qui sont bougées par le vent. Hein? Ou bien, il mentionne l'exemple du mouvement du soleil qui est assujetti à la volonté d'Allah Azza wa Jal et qui n'a pas de volonté propre à lui-même. Donc ça, c'est des exemples de choses qui sont contrôlées par Allah, qui n'ont pas de volonté, et eux, ils comparent l'être humain à ça. Hein? Et on sait très bien, comme le cheikh il va le mentionner, que dans l'être humain, il y a des choses qui sont... il y a un terme pour ça, mais là, le terme m'échappe, mais c'est juste pour dire que il y a des choses qui sont volontaires et il y a des choses involontaires. Par exemple, et ça, c'est des choses que tout le monde est capable de comprendre, notre cœur, hein, il bat sans qu'on décide ou qu'on veuille qu'il batte. Nos poumons et notre respiration, ça fonctionne pilotage automatique, comme on dit. Hein? Quand tu dors, tu n'es pas conscient de rien de ce qui est autour de toi, mais tes poumons continuent à fonctionner, ton cœur continue à battre, la circulation du sang, elle fonctionne. Ton système nerveux, la pression artérielle, toutes ces choses-là sont en contrôle, pilotage automatique dans ton corps. C'est Allah Azza wa Jal qui contrôle ça. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne avec la volonté humaine ou qui est contrôlé par l'être humain. Donc, ce n'est pas volontaire. Mais il y a d'autres choses, des choses qui sont volontaires. Les actions que tu poses, les gestes que tu fais, yani quand tu veux manger, tu veux choisir entre quelle nourriture. Si je te mets par exemple du porc devant toi, puis je te mets yani du poisson, tu as le choix. Hein? Si tu choisis de manger le porc, est-ce que tu peux dire non, ça c'est pas de ma faute, j'ai été forcé? Est-ce que quelqu'un a pris ta main, puis l'a mis avec force pour prendre le porc pour que tu le manges? Hein? Et quand tu décides de faire quelque chose, est-ce que tu sens une force extérieure à ton corps qui vient t'empêcher de faire ce que tu veux faire? Jamais. Quand tu fais quelque chose, tu le choisis toi-même et tu le fais. Il n'y a pas de force contraire qui vient s'opposer à qu'est-ce que tu décides. Hein? C'est toi-même qui fais qu'est-ce que tu fais. Tu choisis ce que tu choisis. Tu fais ce que tu veux. Hein? Et c'est possible que des fois, tu aies l'intention de faire quelque chose et que tu te diriges vers quelque part ou vers un endroit. Puis en cours de chemin, tout d'un coup, tu ne sais même pas toi-même pourquoi, mais tu décides de changer de direction et de t'en aller ailleurs. Hein, ça arrive. Allah Azza wa Jal, il l'a bien expliqué dans le Coran. En fait, si tu regardes comme il faut, il a réfuté les deux extrêmes. Il a dit, par exemple, dans Surat Al-Insan, dans Surat Al-Ins, ouais, à la fin dans Surat Al-Ins, il dit... فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Hein? فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Ça veut dire celui qui veut, il prend le chemin vers son Seigneur. Et après il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Donc t'as la volonté, hein? T'es pas comme une plume qui est soufflée par le vent. Non, t'as ta volonté à toi. Tu peux choisir entre le bien et le mal. Hein? Donc celui qui décide, qui veut, il prend le chemin vers son Seigneur. Mais tu ne peux pas vouloir excepté si Allah a voulu. Donc notre volonté, elle est limitée par la volonté absolue d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc on a une volonté, mais notre volonté, elle n'est pas absolue. C'est la volonté d'Allah qui est absolue. Hein? وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah Azza wa Jal, il est omniscient, il a la connaissance de toutes choses et il est sage. Et la sagesse d'Allah Azza wa Jal fait en sorte que justement, il a relié chaque chose à sa cause. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, pour la guidance, il y a des causes et pour l'égarement, il y a des causes. Si tu veux être guidé, fais les causes pour être guidé. Et si tu t'égares, c'est parce que tu n'as pas pris les causes hein, pour être guidé, et que tu as choisi les causes pour t'égarer. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Donc chacun, il sera jugé pour les choix qu'il a fait, pour les actions qu'il a fait, et Allah Azza wa Jal, il ne fait d'injustice à personne, parce qu'il nous a donné, hein, Allah Azza wa Jal, il dit, il t'a donné as-sam' wal-basar wal-fu'ad. Il t'a donné la vue, il t'a donné l'ouïe, et il t'a donné le cœur, pour être capable de voir, pour être capable d'entendre, pour être capable d'analyser et pour être capable de juger par ton cœur entre le vrai et le faux et pour choisir par la suite, hein, le droit chemin. Parce que tu as tous les outils nécessaires pour trouver la vérité, Allah te les a donnés, il les a mis en toi. Hein? Et en plus, il t'a donné la révélation comme un critère, hein, de distinction entre le vrai et le faux pour que tu puisses être bien guidé. Hein? Donc, il n'y a pas d'excuse en réalité. Et donc ici, le Cheikh Rabi' Hafidhahullah, il dit « Al-insan yufarriq bayna l'ikhtiyar wa bayna l'ittirar. Hatta al-hayawanat tufarriq bayna l'amal al-ikhtiyari wa l'amal al-ittirari. Wa yu'jibuni mathalun ضربه أحد المناقشين لهؤلاء فيقول الكلب والأسد يفرقان بين المختار وبين غير المختار فإنك إذا رميت الكلب بحجر لا يذهب للحجر لأن الحجر ليس مختارا وإنما يأتي إليك أنت ليحاربك والأسد عندما توجه له رصاصة لا يذهب إلى الرصاصة ليحاربها وإنما يذهب يحاربك أنت لأنه يعرف أن الرصاصة ليس لها اختيار وأنت لك اختيار ولك إرادة ولك قدرة فكيف بالإنسان؟ كل إنسان يحس بالضرورة أنه يفعل باختياره وقدرته وإرادته والله يحاسبك على قدرتك واختيارك بعد ذلك لا تسأل لأن القدر سر الله لأن القدر سر الله. Donc ici le cheikh dit l'être humain il est capable de distinguer entre ce qui est fait volontairement et ce qui est fait involontairement. Il dit même les animaux ils font cette distinction là entre l'acte qui est yani choisi et l'acte qui est involontaire. Et il dit, j'aime bien l'exemple que quelqu'un a donné, qui débattait avec ces groupes d'égarements, et il leur a dit, même le chien et le lion, hein, ils font la distinction entre ce qui est volontaire et involontaire. Il dit, par exemple, si tu lances une pierre à un chien, le chien ne va pas courir derrière la pierre pour se venger ou pour attaquer la pierre. Hein, parce qu'il sait que la pierre n'a pas de volonté. C'est pas la pierre qui a choisi de te frapper. Hein. C'est plutôt la personne qui a lancé la pierre. Elle va donc venir sur toi hein, pour t'attaquer toi. Et le lion, c'est la même chose. Hein. Donc, il dit, si l'animal est capable de faire cette distinction, eh bien, toi aussi, tu dois être capable de faire cette distinction-là. Que c'est... Tu peux distinguer entre ce que tu fais avec ta volonté et avec ta propre capacité. Hein? Parce que tu es un être humain, tu comprends encore mieux que l'animal. Et il dit, tout être humain, il est capable de faire cette distinction-là entre ce qu'il a choisi avec sa volonté et qu'est-ce qu'il a fait avec sa propre capacité. Et il dit, de toute façon, Allah Azza wa Jal, il va te juger uniquement pour ce que tu as fait avec ta capacité et ce que tu as fait avec ton choix, qu'est-ce que tu as choisi toi-même. Et c'est pour cette raison-là que Allah Azza wa Jal, il ne va pas nous punir si on a fait quelque chose par erreur ou si on a fait quelque chose par oubli ou si on a été contraint. Hein? Al-Mukrah. La personne qui est sous la contrainte en islam, il n'est pas puni. Même s'il dit une parole de kofr. Pourquoi? Parce que dans l'islam, c'est seulement la personne qui fait l'acte volontairement qui est responsable. Hein? Même la personne qui est majnoun, la personne qui est folle, hein, ou qui est par exemple un enfant qui n'est pas encore baligh, qui n'a pas encore la puberté, il n'est pas encore responsable de ce qu'il fait. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'aql encore. Hein? Et l'exemple aussi de quelque chose, quand par exemple il t'arrive quelque chose par accident. La charia fait la différence entre un accident et qu'est-ce qui a été prémédité. Lorsque par exemple tu frappes quelqu'un avec ta voiture sans faire exprès, hein? Eh bien on va dire un homicide involontaire ou bien un accident parce que tu l'as fait sans que ce soit voulu. Tandis que la personne qui volontairement prend une arme et il frappe la personne ou il tire sur quelqu'un, ça c'est volontaire. Il y a une différence entre les deux. Hein? Et les êtres humains font cette distinction-là. Et bien, dans la religion, c'est la même chose. Il y a les actes volontaires et les actes involontaires. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, il dit, tu ne dois pas demander par rapport au qadar, rentrer dans les discussions ou les débats à ce sujet-là de toute façon, parce que c'est le mystère d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Le qadar, c'est le mystère d'Allah, Azza wa Jal. Donc, à ce sujet, au sujet du qadar et aux autres sujets par rapport à la aqidah, on affirme ce que Allah affirme, ainsi que son messager, et on nie ce que le messager a nié. On nie ce que Allah a nié ainsi que son messager et on rentre pas dans les débats philosophiques au sujet de ces questions-là. Et une des choses qui arrive si on rentre dans des débats à ce sujet-là, c'est qu'on risque de s'égarer. On risque de s'égarer. Et c'est ce qui est arrivé aux philosophes et à beaucoup d'autres personnes, hein, certains théologiens qui se sont justement basés sur la philosophie et qui sont rentrés dans ces discussions-là et qui ont complètement dévié dans leur religion à cause de ça. Ensuite, le cheikh, il explique que, il dit, « Kullu insan » ça, on l'a lu. « Anta » il dit, « Anta aqil »« A'taka Allahu al-aql »« Wa'ataka al-sam' »« Wa'ataka al-basar »« Wa'ataka al-qudra »« Wa'ataka al-ikhtiyar » ويحاسبك على ضوء هذه القوى التي أعطاك الله إياها فمن أعطاه الله هذه الأمور فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يعتذر يوم القيامة ويقول أنا فعلت هذا بغير اختيار لأنه هو الذي فعل لا أحد يقول هذا بل كل واحد يعترف بذنبه يوم القيامة ويعرف أنه مذنب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعترفون بذنوبهم يوم القيامة لأنهم ما رسوها باختيارهم وهل تقبل الآن واحد يقتل أباك وتقول هذا فعل الله هل تقول هذا؟ لا تقول هذا لو رجلا جبريا غاليا قتل إنسان ولده أو أباه ما اعتذر له بالقدر وأن ليس هذا فعله وإنما ينسب إليه مجازا فهناك إفراط وتفريط من الطرفين من أهل السنة وسط وأهل السنة وسط. Donc ici le cheikh il explique que Allah Azza wa Jalla, il nous a donné la raison. Et Allah t'a donné la raison, il t'a donné l'ouïe, il t'a donné la vue, il t'a donné la capacité, il t'a donné le choix dans tes actions. Et il va te juger à la lumière de ces différentes capacités qu'il t'a données. Et celui à qui Allah a donné ces choses-là, eh bien, il sera responsable devant Allah Azza wa Jalla. Personne ne pourra s'excuser au jour de la résurrection en disant « c'est pas de ma faute ». Hein? Ce que j'ai fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a fait faire, j'avais pas de choix. Hein? Non, tu avais le choix puisque c'est toi qui l'as choisi, tu l'as fait volontairement. Et donc, yani, chacun au jour de la résurrection va reconnaître son propre péché. Il va reconnaître qu'il est pécheur. Et comme Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 10 et 11, dans Surat Al-Mulk, il dit, et ils ont dit, c'est-à-dire les gens qui vont aller en enfer, ils ont dit, si on avait écouté et si on avait réfléchi ou utilisé notre raison, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, c'est-à-dire de l'enfer, As-Sa'ir. Donc, ils reconnaissent leur péché. فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ Ils reconnaissent leur péché au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont fait ces péchés-là volontairement. Il dit donc, est-ce que tu acceptes que quelqu'un qui tue ton père puis qui dit, ça c'est Allah qui l'a tué. C'est Allah qui m'a fait faire ça. Hein? Même ce Jabri, qui dit qu'il n'est pas responsable de ses actions, c'est Allah qui a prédestiné. Hein? Si tu viens, tu lui donnes un coup de poing, hein? Il va se fâcher, il va s'énerver. Tu vois, il ne va pas dire, ah, oh, c'est pas de ta faute, je te comprends, c'est le qadar. Il ne va pas accepter cette excuse-là. Hein? C'est comme... tu mets ta main dans sa poche, puis tu prends son portefeuille, hein, et puis tu prends l'argent dedans, et puis tu dis, mais ça c'est le qadar, mon frère. Hein? Ça me ferait parce qu'une fois, j'avais fait un dars sur un hukuk al-ukhuwa, les droits de la fraternité, puis le cheikh, il mentionnait l'exemple des salafs qui disaient, si tu peux pas considérer quelqu'un comme ton frère si tu peux pas mettre ta main dans sa poche, prendre son porte-monnaie et prendre ce que tu veux dedans et que il dit rien. Et une fois, je suis allé dans un endroit avec un frère pour prendre un café et puis tout d'un coup, il met sa main dans ma poche. Il met sa main dans ma poche et puis il prend mon portefeuille. Et j'étais un peu surpris, alors je l'ai regardé. Et puis là, il m'a dit, on est des frères en Allah. Et je me suis rappelé du dars. Et là, j'ai ri. Là, j'ai tellement ri. C'était, subhanallah, ça m'avait fait rire. Mais tout ça pour dire, yani, quelqu'un ne va pas accepter ça. Quelqu'un ne va pas accepter ça aujourd'hui. Même si les gens, aujourd'hui, ils prétendent que... s'il y a des gens de cette croyance-là qui disent ça, ils ne vont pas l'accepter. Hein? Et vous connaissez combien de fois on a mentionné l'exemple de Omar ibn al-Khattab qui a dit à celui qui a volé, hein? « J'ai volé par la volonté d'Allah. Hein? » Et Omar qui lui a dit « Ouais, mais aussi, je vais te couper la main par la volonté d'Allah. Hein? » Ou par la prédestination d'Allah. Donc ça, c'est un exemple. Et donc, il n'y a personne qui va dire que ces actions-là, on ne peut pas les attribuer à la personne, excepté symboliquement. Et donc, il y a al-ifrat ou al-tafrit, c'est-à-dire l'excès et le manque, hein, l'excès, l'exagération dans le fait d'ajouter et l'exagération dans le fait d'enlever, donc les deux extrêmes et le juste milieu qui est la position d'Ahl-Sunnah ou al-Jama'a, c'est-à-dire d'affirmer la volonté d'Allah et la toute-puissance d'Allah Azza wa Jal, et en même temps d'affirmer la volonté des créatures qui est limitée, et également d'affirmer la puissance et la capacité des créatures dans la limite de la puissance et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes-là. Et le cheikh, ça qu'il explique ici, il dit أهل السنة وسط أثبتوا عموم مشيئة الله وعموم إرادته وقدرته فلا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله وإرادته وكل شيء وكل شيء مخلوق لله خلق العباد وخلق أفعالهم ومع ذلك يقولون العباد مارسوا هذه الأفعال باختيارهم فتنسب إليهم حقيقة وفعلوها حقيقة فلان صلى فلان زكى فلان صام hein, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والله عز وجل ينسب الأفعال إلى ينسب الأفعال إلى العبد وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ها أنا جئت مرة في درس في جامعة أم القرى وأستاذ أشعري جبري يدرس عقيدة الجبر في ذلك الدرس قلت له يا أخي أنت الآن تعطل يمكن ربع القرآن القرآن ينسب الأفعال حقيقة إلى أهلها وأنت تقول هي أفعال الله ليست أفعال العباد فبهت Donc le cheikh il explique ici, il dit que les gens de la sunna, ils affirment la volonté d'Allah ainsi que sa toute-puissance. Hein, et il dit il n'y a rien donc dans la création et dans l'univers excepté que cette chose existe par la volonté d'Allah hein, et par son vouloir. Et toute chose fait partie de ce que Allah a créé. Les créatures, les êtres humains sont créés et Allah a créé également leurs actions. Et il dit, et malgré ça, ils disent également, c'est-à-dire les gens de la sunna disent également que les êtres humains, ce sont eux qui ont fait ces actions-là par leur choix et par leur propre volonté. Et on leur attribue ces actions-là réellement. C'est eux-mêmes qui les ont fait réellement. Hein? Donc, on dit, un tel a fait la salat, un tel a fait la zakat, un tel a jeûné. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, certes, celui qui a purifié son âme a réussi. Et il a péri celui qui a, hein, ou il a perdu celui qui l'a corrompu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui-même qui l'a fait. Et Allah Azza wa Jal, il attribue les actions aux serviteurs. Il dit, ils ont sur eux des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce qu'ils font, qui savent ce que font les êtres humains. Donc ça veut dire les êtres humains, c'est eux qui font les actions. Ils sont responsables de leurs œuvres. Mais souvent, les gens qui ont fait des égards, qui ont des égarements dans ce sujet-là, c'est à cause de leur déformation de la compréhension de certains versets. Comme par exemple, certains soufis, qui utilise le verset dans le Coran qui dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى hein? وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى c'est-à-dire c'est quand tu as lancé parce que la bataille de Badr le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une poignée de sable ou de terre et il a lancé vers les mouchriquins il était très loin malgré ça le sable est arrivé jusque dans les yeux des mouchriquins alors Allah Azza wa Jalla dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى Les ulama de tafsir ils ont expliqué que ça signifie وَمَا أَصَبْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَصَابَهُمْ C'est-à-dire, quand tu as lancé le sable, c'est pas toi qui as fait que le sable les a atteints, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui a fait que le sable les a atteints. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a lancé. D'accord? Mais eux, ils utilisent ça de cette façon-là. Si tu l'appliques, qu'est-ce qu'ils prennent comme verset, comme exemple? Si tu l'appliques de façon générale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire وَمَا صَلَّيْتَ إِذْ صَلَّيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ صَلَّى وَمَا أَكَلْتَ إِذْ أَكَلْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَكَلْ إِلَى آخِرِ Ça fait aucun sens. Et ce n'est pas du tout la même chose, exactement. Il ne peut jamais les atteindre. C'est ça. Donc, ça, c'est des exemples comment certains égarés, ils déforment le sens du Coran pour essayer de justifier leurs fausses croyances. Et ça, c'est un exemple de cela. D'accord? Donc, le cheikh, il donne une anecdote. Une fois, il donnait une conférence où il est allé à une conférence à l'université de Umm al-Qura. Puis, il y avait un prof Ash'ari qui est de la croyance des Jabriya qui enseignait cette aqidah dans son dars. Et le cheikh, il lui a dit, il dit, toi, en disant ça, tu annules un quart du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal attribue aux créatures réellement leurs actions hein, à ceux qui les ont fait. Et il dit, il a dit à ce moment-là, il ne savait plus quoi dire. Hein.